Je veux ton bien. Je veux trois fois rien. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu sois scout. Je veux trop bien. Faire au mieux, sinon rien. Je veux t'éblouir. Je veux soulever des menhirs. Je veux un fils. Un vrai. Un beau. Pas un morveux sans biscotto. Car tu es ma chose, mon ambition. Je te modèle à ma façon. Tu es ma lueur, ma création. Pas un joueur d'accordéon. Ça non. Je veux ton bien. Peut-être trop, j'en sais rien. Je veux que tu découvres. Je veux t'emmener au Louvre. Je veux que tu sois bien coiffé, que tu dises de rien. Je veux te voir parfait. Je veux te voir préfet. Je veux un fils, un vrai, un beau. Pas un traînard de caniveau. Car tu es ma chose, mon ambition. Je te modèle à ma façon. Tu es ma lueur, ma création. Pas un vendeur de taille-crayon. Ça non. Je veux être bien. Je ne veux pas d'un vaurien. Je veux que tu me plaises. Ne ramène pas ta fraise. Je veux si bien que tu sois bien, que tu n'aies rien. Je veux pas que tu gâches. Tu veux que je te lâche. Je veux un fils, un vrai, un beau. Pas un acteur de film porno. Car tu es ma chose, mon ambition. Je te modèle à ma façon. Tu es ma lueur, ma création. Pas un mangeur de cornichons. Ça non. Je veux ton bien. Ce que je veux, ce n'est rien. Je veux que tu t'écoutes. Je veux que t'en rajoutes. Je veux ton bien. Je veux trois fois rien. Je veux que tu t'estimes, même avec des badimes.